Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition de la soirée de ce 26 décembre. Et en voici les grandes articulations. L'une des personnalités qui ont négocié l'indépendance du Burundi en la personne de Valentin Bankumuhari a été inhumée ce lundi. Dans ce journal, vous entendrez le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Il s'est exprimé ce lundi, c'était au cours d'une conférence de presse. Une jeune fille est morte dans la soirée de ce dimanche suite au coup de poignard qu'elle a reçu de la part d'un domestique. C'était au quartier Chatania 4 de la ville de Gitega, vous l'entendrez dans ce journal. Et certains habitants des zones urbaines de Ngagara, Rohiro et Buiza s'indignent des regards débordants d'eau usée se déversant dans les rues. Ils craignent déjà des maladies des mains sales. Et l'association des droits de l'enfance, SOGEPAE, demande avec insistance à la régie des eaux de veiller sur les installations de cette régie. C'est après que deux enfants aient été électrocutés. David Ninganza compte saisir à la justice contre cette régie de distribution de l'eau et de l'électricité. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Kimana. À la présentation, Mihai Kanyange. Rebonsoir. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour débuter ce journal. Une jeune fille est morte dans la soirée de ce dimanche suite au coup de poignard qu'elle a reçu de la part d'un domestique. Le drame a été commis au quartier Chatania 4 de la ville de Gitega et l'auteur du crime s'est vite rendu au commissariat de police à Gitega où il est incarcéré. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Selon certains voisins, il était vers 21h au moment où cette famille célébrait Noël avec des visiteurs au salon quand la défunte, qui est en même temps la sœur du chef de ménage, était en train de servir les visiteurs. Ces informations indiquent que quand la fille est retournée à la cuisine, elle a vu que le domestique avait déjà le poignard dans les mains et il a vite poignardé et la fille est morte sur le champ. Au même moment, l'auteur de ce crime est vite parti en passant par une porte de derrière et s'est rendu à la police où il a demandé qu'on l'emprisonne parce qu'il venait de tuer une personne. À la police, on lui a mis au cachot et les voisins ont vite cherché du secours à la police chargée de la protection civile et à la police judiciaire pour faire le constat et amener le corps à la morgue. Sachez que la défunte vivait dans cette maison et que le domestique venait d'y passer 10 ans de service. Le dossier sera vite acheminé vers le tribunal. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Deux personnes sont mortes, 12 autres blessées au cours d'un accident de roulage survenu ce dimanche sur la route nationale numéro 9, la route Bujumbura-Bubanza, au niveau de Gahongore. Un véhicule de marque IAS qui venait de Bubanza vers Bujumbura a dérapé et a percuté un kiosque à côté de la route. Les témoins sur place indiquent que l'accident serait lié en excès de vitesse. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, l'une des personnes qui ont négocié l'indépendance du Burundi, Valentin Bankumuhari, a été inhumée ce lundi. Valentin Bankumuhari est décédé le 17 décembre courant à 89 ans. Il fut aussi secrétaire général du Conseil du Moami, assimilé à l'Assemblée nationale actuelle. Le premier vice-président de la République salue ses réalisations qui ont été bénéfiques pour le pays. Suivez Gaston Sindimo, premier vice-président de la République. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi dans l'après-midi. C'est une personnalité qui a marqué l'histoire. Il était le secrétaire permanent du Conseil du Moami à l'époque. Et ses œuvres qui l'ont caractérisé ont marqué l'histoire du Burundi et jusqu'à présent. C'est lui avec Ngenda Numwe et Tadesse Yumusi qui, au lendemain de l'emprisonnement du prince Wagasore, se sont envolés à New York pour plaider pour l'indépendance immédiate du Burundi. Ce monsieur aussi, il a tout fait. Après la victoire du parti prenant, le 18 septembre 1961, les Belges, ils ont voulu confisquer cette indépendance parce que Guarasole était assassiné. Tadesse Diomonsi et Valentin Bankumuhari, ils ont participé en 1961 au colloque d'Ostende en Belgique où ils devraient négocier les modalités d'acquisition de l'indépendance. C'est à ces titres-là que le gouvernement du Burundi doit des hommages à cet homme exceptionnel.